sur une pancarte, il y a un orignal. Mais moi, j'aimerais ça voir l'original. Hey, dis-moi donc, il est où le chemin en gravel? Parce que là, il y a trop de klaxons qui crient dans ma cervelle. T'as pas besoin d'un ticket pour flâner sur le Lonesome Railroad. T'as pas besoin d'un ticket pour flâner sur le Lonesome Railroad. Si tu te sens un peu coincé, viens donc promener ce Lonesome Railroad. T'as pas besoin d'un ticket pour flâner sur le Lonesome Railroad. Sur Google Maps, il y a ben de la forêt. Mais moi, j'aimerais ça me perdre pour de vrai. Ça fait gay, dis-moi donc, c'est où qui habitent les mouches noires? Parce que là, y a trop de klaxons qui s'en prennent à moi sur le trottoir. T'as pas besoin d'un ticket pour flâner sur le Lonesome Railroad. T'as pas besoin d'un ticket pour flâner sur le Lonesome Railroad. Si tu te sens un peu pogné, viens donc te promener sur Lonesome Railroad. T'as pas besoin d'un ticket pour flâner sur le Lonesome Railroad. Dérailler comme il faut. Pis toi, dis-moi donc, y'est où ton Lonesome Railroad? T'as pas besoin d'un ticket pour flâner sur le Lonesome Railroad. T'as pas besoin d'un ticket pour flâner sur le Lonesome Railroad. Si tu le veux plus ton ticket, viens donc te promener ce Lonesome Railroad. T'as pas besoin d'un ticket pour flâner sur